Chapitre 28e. Une scène comme celle que Sophie avait faite à table ne pouvait pas être acceptée par les Heathcote sans même en reparler entre eux. Pour Florence, l'amour de Sir Charles pour elle, sa tendresse excessive pour lui, le souvenir de ses bontés pour Algernon et leurs lettres à tous deux, remplissaient son cœur de si douces pensées qu'une fois renfermée dans sa chambre, son âme vola tout entière vers la belle ville dont elle portait le nom charmant. Et Miss Martin Thorpe et ses impertinences ne laissèrent pas même de traces dans son esprit. Quant au major, il s'inquiétait fort peu des extravagances de sa pupille, dont il croyait la tête un peu tournée par suite de sa nouvelle position. Mais craignant que sa chère femme ne vînt à souffrir de la tyrannie qu'elle avait à subir, il lui dit, en se trouvant seul avec elle le soir dans leur chambre, « Elle deviendra sage avec le temps, Popsy, et alors elle regrettera amèrement sa manière d'être avec nous. Si vous pouvez la supporter, cher ami, notre devoir est de rester ici jusqu'à ce qu'elle ait 21 ans. Alors seulement nous pourrons nous retirer sans crainte dans les commentaires des voisins de Hereford et de Cleveland, sans encourir les reproches de Sir Charles. Cependant, si cette vie vous devient trop pénible, chère femme, nous partirons dès que vous le désirerez. Je ne m'inquiète nullement de toutes ces méchancetés sans fin, mon cher major. Vraiment, elle me faisait bien plus de chagrin quand elle était pauvre, et que malgré tous mes efforts, je ne parvenais pas à l'égayer. Alors je souffrais à l'idée que sa tristesse venait de sa misère et de l'incertitude de l'avenir. Mais maintenant qu'elle a tout ce qu'elle peut désirer, tant pis pour elle si son caractère est resté acariâtre et méchant. Cela ne me fait plus ni peine ni tourment. Quant à moi, j'ai bien des causes de joie. D'abord, cette bonne Mrs. Barnes a grand besoin des enfants, qu'elle comble d'attention à l'insu de Sophie Martin. Vous qui aimez la chasse aux papillons et la pêche, vous trouvez ici une occupation agréable et de votre goût. Et enfin, notre belle Florence sera aussi heureuse qu'elle le mérite avec ce charmant Sir Charles, qu'il aime tendrement, et à qui elle le rend bien, sans compter que les nouvelles que nous recevons d'Algernon sont fort satisfaisantes, et qu'il est aussi heureux que possible dans son magnifique voyage. Avouez, cher ami, qu'il faudrait être bien difficile à contenter pour se plaindre, quand on a toutes ses raisons d'être heureuse, parce que la pauvre Sophie se conduit mal envers vous et nous fait payer, par ces quelques mois de séjour forcés chez elle, tout le bonheur du reste de notre vie. » Cette conversation décida le major et sa femme à patienter jusqu'aux 21 ans de Sophie et à continuer leur métier de prisonnier un peu élargi, sans s'en plaindre à personne. Cependant, Miss Martin Thorpe s'était trompée dans ses espérances. Les familles riches des environs, avec lesquelles Mr. Thorpe avait cessé ses relations lors de la mort de sa femme, ne paraissait nullement désirer se lier avec son héritière. Et s'il s'en était d'abord approché par curiosité, elle s'en était vivement éloignée après s'être assurée que la petite Miss Martin Thorpe était fort désagréable et tout à fait indigne de l'attention d'un gentleman ayant un nom, des biens et de la naissance. Mr. Brandenberry, Mrs. et Miss Brandenberry étaient seuls restés auprès d'elle et jouaient avec adresse la partie difficile qu'ils se croyaient bien prêts de gagner. Sans cependant avouer qu'elle avait suivi ponctuellement ses avis, Miss Martin Thorpe donna à entendre à Mr. Brandenberry qu'elle avait écrit à Sir Charles Temple et qu'elle attendait sa réponse pour se débarrasser de ses tyrans. Richard comprit fort bien qu'elle avait agi d'après ses conseils et qu'elle ne voulait pas en faire l'aveu. Aussi, cette assurance lui donna-t-elle bon espoir. Quand il conta tout à sa sœur, en se promenant avec elle sur la petite terrasse de Broadrange, la ville Marguerite répondit « Si j'avais été à votre place, je l'aurais fait aller plus vite que cela. Que va-t-il arriver? Le savez-vous? Si c'était moi, Richard, je saurais dans 24 heures si je deviendrais ou non maître de Thorpe Combe. » Richard pesa ses paroles en se promenant de long en large et répondit enfin avec conviction. « Il faudrait que je puisse lui faire comprendre que le mariage pourrait seul la soustraire aux cruautés de ces excellentes gens qu'elle hait si amèrement. C'est cela. Rien ne saurait mieux réussir. C'est à la fois convenable et efficace, s'écria Marguerite avec joie. Pourquoi n'y avez-vous pas pensé tout d'abord? Il valait beaucoup mieux lui proposer cet expédient que de la faire écrire au baronnet. Il n'y a pas de temps perdu, et petit à petit je deviendrai maître de son esprit. Folie! Moi, je suis sûr que vous serez assez faible pour que votre mépris pour elle l'emporte sur nos intérêts. Vous savez fort bien que dans ces sortes d'affaires, les plus pressés réussissent le mieux. Cela serait différent pour un homme qui aurait la chance de se faire aimer. Celui-là aurait raison d'attendre que la jeune fille fût complètement dominée par l'amour. Mais le cas est absolument contraire. car vous ne pouvez pas imaginer que plus elle réfléchira et plus elle sera disposée à dire oui. Vous avez raison, Marguerite, il faut une solution. La chose sera décidée dès demain. À la bonne heure, Richard. C'est ainsi que tout homme intelligent doit agir. Je vous aurais souhaité une créature moins méchante, moins haïssable et moins méprisable. Mais comme on ne peut pas tout avoir, il faut prendre ce qui nous est le plus utile, l'argent. Pour nous, la femme n'est que l'accessoire. Ne nous inquiétons pas d'elle, Marguerite. Je sais que c'est bien le plus vilain petit monstre que j'ai jamais connu. Mais une fois mariée, elle changera. D'abord, je ne serai plus l'amoureux Richard, mais Monsieur Brandenberry, propriétaire de Broadgrange et de Thorpecombe, à qui sa femme obéira et dont il sera le maître absolu. Je vous assure que je m'arrangerai de manière à vivre fort heureux. Là-dessus, le frère et la sœur se séparèrent en se serrant la main. Richard alla se promener à cheval, et Marguerite essaya devant sa glace comment elle recevrait les nobles visiteurs qui viendraient la voir à Thorpecombe après le mariage de son frère. Pendant ce temps, Miss Martinthorpe, s'étant décidée à tenter un dernier effort auprès du vieil Arthur Gillis et de sa femme, se dirigeait vivement vers leur petite habitation. « Voici notre douce maîtresse qui vient nous faire une autre visite !» s'écria tout à coup Mrs. Gillis en s'adressant à une personne qui était assise très familièrement entre elle et son mari. « Que le diable l'emporte !» s'écria l'étranger. « Je ne veux pas qu'elle me trouve ici. Empêche-la d'entrer, Gillis, il ne faut pas qu'elle me voie chez toi !»« Silence !» fit le vieux groom. « Entrez vite dans ce cabinet, et vous entendrez des choses bien plaisantes. » L'étranger obéit, et pendant que le vieux Gillis poussait la porte sur lui, sa femme ouvrait à Sophie, qui frappait du dehors. Le vieil Arthur plaça une chaise tout contre le cabinet où était entré son ami. Sophie s'y installa en disant assez brusquement « Je suis encore revenu pour vous parler sérieusement de cette maison. Il est ridicule que vous vous entêtiez à la garder quand je la veux, et que je vous en offre une autre plus belle et plus commode. » Sans compter que je consens à augmenter votre pension. Il n'est pas pour nous d'habitation plus agréable que celle-ci, madame. Et quoique nous vous remercions mille fois de vos offres, nous préférons rester ici, répondit Mrs. Gillis très sérieusement, mais avec une grande politesse. Vous êtes folle, brave femme, de préférer ce trou à la demeure que je vous propose. Mais c'est bien la faute du jeune homme assez sot et ridicule lui-même qui vous y a installé. Aussi, si vous consentez à m'obéir, vous pardonnerai-je facilement votre entêtement, qui, après tout, est son ouvrage. Le jeune homme qui nous a... Mais Mrs. Gillis interrompit son mari, et s'approchant vivement de Sophie, elle reprit avec respect. Ce jeune homme est mort, il nous intéresse donc fort peu. Aussi est-il de notre devoir d'écouter avec respect tout ce que Madame daignera nous faire l'honneur de nous dire sur lui, ou autrement. Sophie fronça le sourcil et reprit avec une fermeté mêlée de colère. J'ai examiné le testament de Mr. Thorpe. « Bonnes gens, et je dois vous dire que vous avez tort de trop compter dessus. Je sais que vous ne connaissez rien aux lois et que je ne puis m'offenser de votre ignorance, mais il est de mon devoir de vous annoncer que Mr. Thorpe m'a légué tout son bien et que s'il parle de votre pension, il ne mentionne pas votre maison. »« Je sais fort bien ce qu'a fait notre cher maître, » répondit Mrs. Gillis en souriant. « Il vous a tout laissé jusqu'à ce que son fils revienne. C'est une folie, je le veux bien. » Mais ce qui est plus positif, c'est qu'il ne vous a légué que ce qu'il possédait. Et comme, pour contenter le noble jeune homme dont vous parliez si bien tout à l'heure, il nous avait fait don de cette habitation, vous ne pouvez pas dire qu'il en est disposé en votre faveur. Très bien, monsieur Gillis, puisque vous entendez si bien vos intérêts, vous allez vite voir que je comprends aussi les miens. Puisque cette maison vous appartient, je n'y viendrai jamais. Mais aussi, vous n'entrerez pas chez moi, je vous le jure. La grille qui amène ici va être condamnée avec l'ordre que personne n'y passe, de telle sorte que je vous coupe toute communication avec le dehors. Si vous mourrez faute d'aliments, ce sera votre faute et non la mienne. Vous n'avez qu'à quitter cette maison. « Cela sera effrayant, madame, » répondit la vieille femme en simulant l'épouvante, mais en la regardant ainsi que son mari d'un air narquois. Sophie s'aperçut facilement qu'il retenait avec peine le rire communicatif qui les gagnait tous deux. Aussi s'écria-t-elle, folle de colère, « Vous croyez que je ne mettrai pas mon projet à exécution, mais vous verrez, rien ne me coûtera pour le faire le plus tôt possible. »« Vraiment, vraiment, » reprit Arthur Gillis en se levant pour laisser passer ce petit être gonflé par la rage. « Je vous en crois très capable, au contraire. Seulement, je ne puis m'empêcher de rire. Car ce sera bien amusant, n'est-ce pas ?» Et Sophie entendit distinctement trois voix se mêler au rire général. Sa colère augmenta encore. aussi s'enfuit-elle jusque chez un charpentier qui demeurait fort près de là. Et lui donna-t-elle ses ordres en écumant de fureur. Qu'entends-je ? Il vient paler de 10 pieds de haut tout autour de la maison du vieil Arthur Gillis, le favori de Mr. Cornelius Thorpe ? S'écria l'ouvrier quand Sophie eut fini sa commande. « Oui, Monsieur Grosford, et tout contre sa maison, » reprit l'héritier avec véhémence. « Ma propre sûreté en dépend. Du reste, si vous vous y refusez, un autre le fera. » Quoique assez étonné de cet ordre, Mr. Grosford répondit qu'il allait obéir, et Sophie voulut voir les matériaux qu'il devait employer, afin de s'assurer que toute tentative d'escalade était impossible. Son désir de voir sa méchanceté accomplie était tel qu'elle promit une gratification de 5 shillings si l'ouvrage était promptement terminé. Quand elle quitta l'ouvrier, elle aperçut un cavalier qu'elle put bientôt reconnaître pour Mr. Jenkins. Sa physionomie prit aussitôt un air gracieux, et elle se prépara à sourire agréablement. Mais soit que Mr. Jenkins fût très occupé, soit qu'il ne la vit pas, soit enfin qu'il ne voulut pas s'arrêter à causer, il ne vint pas jusqu'à elle et tourna rapidement par une allée transversale. Quand elle n'eut plus l'espoir d'être vue de lui, Sophie rentra chez elle en pensant « Où allait-il si vite ? Il est fâcheux qu'il galopât ainsi. J'aurais eu beaucoup de plaisir à l'inviter à goûter avec moi. »